Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur kalam pour décider qui se chargerait de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient.